الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hier, nous avons parlé des conditions de l'invocation, des bienséances et des causes pour se voir exaucé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avons mentionné que la condition et la cause la plus importante est l'ikhlas, être sincère et invoquer Allah azza wa jal exclusivement. On n'invoque que Allah azza wa jal, nous n'adorons que Allah. À lui seul nous abandonnons nos affaires. Vers lui seul, nous nous dirigeons. Fad'u Allah ou fad'uhu mukhlisin lahuddin. Invoquez-le donc d'un culte sincère. Celui qui mérite l'adoration est le vivant qui ne meurt jamais. Celui qui mérite l'adoration est le seul créateur. Celui qui mérite l'adoration est le seul maître, le propriétaire. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son livre « Huwa al-hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisin lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin » C'est le vivant. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Invoquez-le donc d'un culte sincère. Comme Allah est le vivant qui ne meurt jamais, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Toutes les formes d'adoration doivent être exclusivement pour le vivant qui ne meurt jamais. Allah nous dit « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Le seul qui mérite l'adoration, et l'invocation en fait partie, est le vivant qui ne meurt jamais, le Seigneur immense, le seul maître, tabaraka wa ta'ala. Autre que Allah, ne sort pas de ces catégories mentionnées. Soit il est vivant, mais mortel, il mourra. Soit il est vivant et est déjà, il est vivant, mais est mort. C'est un être vivant qui est mort, qui est déjà mort. Soit il fait partie des choses inertes. Toutes ces choses-là ne méritent pas l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration est le vivant qui ne meurt jamais. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre « Wa anna al-masajid alillah, fala tad'u ma'allahi ahada » et les mosquées n'appartiennent qu'à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah est un associateur, un polythéiste. Celui donc qui invoque autre qu'Allah azza wa jal dans une chose que seul Allah peut lui répondre, ou invoque un mort, ou invoque un absent, ce dernier sera tombé dans le polythéisme majeur, aura annulé son islam, puisse Allah nous en préserver. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne possède rien, ni même la pellicule du noyau de date. Celui qui invoque Allah est la personne la plus égarée. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ceux qui ne pourront jamais lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Donc on fait attention à ce point. On a mentionné d'autres causes, comme l'ilhah, comme le fait de répéter les invocations, le fait de répéter nos demandes. On a mentionné le fait d'abaisser la voix, le fait de ne pas transgresser dans les du'as, et de rester, de copier le prophète alayhi salatu wassalam et de rester dans ses règles. On a mentionné le fait d'invoquer Allah avec espoir et crainte. Na'am, avec espoir et crainte. Étudions un hadith du prophète alayhi salatu wassalam réunissant des causes pour se voir exaucé. Combien de causes? 4 causes. 4 choses, celui qui les réunit se voit exaucé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, parmi les grands hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, renfermant les bienséances, les comportements dans l'invocation, mais également les choses qui, si elles sont présentes, empêcheront le serviteur de se voir exaucé. Il y a le hadith de Abi Hurayrah radiyallahu anhu apporté par l'imam Muslim. Inna Allah tayyibun. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ta'ala: Ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna 'alim. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, Allah le Très-Haut est bon, pur, il n'accepte ce qui est bon, pur. Et certes, Allah le Très-Haut a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Le Très-Haut a donc dit, selon la traduction des sens de ces versets, aux messagers, au pluriel: mangez des bonnes choses de ceux dont nous avons accordé, ou bien mangez des bonnes choses et faites des actions pieuses. Je suis parfaitement savant de ce que vous faites. Dans l'autre verset, le Très-Haut nous dit: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées et soyez reconnaissants envers Allah, si c'est lui que vous adorez. Puis il a mentionné l'homme qui fait un long voyage, qui est ébouriffé, plein de poussière, décoiffé, plein de poussière, il lève les mains au ciel en disant: ô Seigneur, ô Seigneur, et sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Il se nourrit d'illicite. Comment serait-il exaucé? Voici un grand hadith du prophète alayhi salat wa salam qui fait partie de ce qu'on appelle Jawami'u Kalim ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jawami'u al-Kalim, ce sont des paroles du prophète alayhi salat wa salam dont Allah lui a donné le miracle, dont Allah lui a donné ce miracle. Il y a peu de paroles mais renfermant d'énormes sens et d'énormes leçons. Et parmi celles-ci, ce hadith. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne les bienséances et les conditions d'acceptation des invocations. Ces choses sur lesquelles nous devons nous pencher, ces choses que nous devons étudier afin d'espérer être exaucés chez Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par exposer clairement la dangerosité de se nourrir de l'illicite, de haram. La dangerosité de manger ce qui n'est pas halal, de manger ce qui est illicite. Il nous a montré que ça faisait partie des empêchements, ça faisait partie des handicaps lors de l'invocation. Wa mafhumul mukhalafa, à l'inverse, on tire de ce hadith: أن من أطاب أو طاب مطعمه أجيب دعوته. Celui qui se nourrit des choses licites, celui qui fait attention à ce qu'il mange, celui qui prend soin de ne consommer que ce qu'Allah lui a rendu licite, ce dernier se verra exaucé chez Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que Wahb ibn Munabbi rahimahullah ta'ala disait, comme l'a mentionné Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dans Jami' al-Ulum wal-Hikam: Man sarrahu an yastajib Allahu da'watah fali yutib tu'matah celui qui aimerait qu'Allah exauce ses invocations, qu'il mange que des bonnes choses. C'est-à-dire que le halal, que du licite. Et lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, a été questionné, « Lima tustajabu da'watuk min bayni ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ?» Comment se fait-il que tes invocations sont plus particulièrement exaucées, étaient pas plus particulièrement exaucées au sein des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ? Pourquoi toi particulièrement ? Il a répondu, ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. Sa réponse fut, je n'ai jamais porté ma main à ma bouche, je n'ai jamais pris une bouchée de nourriture sans avoir parfaitement connaissance de sa provenance et de sa sortie. C'est-à-dire qu'il faisait très attention, il était très rigoureux dans le choix de sa nourriture. Quant à ceux, puisse Allah nous en préserver, qui ne se soucient pas de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils portent, de ce avec quoi ils grandissent et ce avec quoi ils font grandir leurs enfants et leurs familles. Ces gens-là, c'est du feu qu'ils mettent dans leur ventre, puisse Allah nous en préserver. Ces gens-là sont leur propre handicap face à l'acceptation des invocations chez Allah Azza wa Jal. On les menace de se voir rejetés chez Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, le grand donateur, le riche, le tout miséricordieux. C'est pour cela qu'à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, « Fa'anna yustajabu lidhalik. » Comment serait-il exaucé? Ici, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, « Très loin de toi, l'acceptation d'Allah Azza wa Jal de ton invocation. Très loin, tu es très loin de cela. Tu es très loin de cela. Ce qu'on appelle al-istiba'ad. Yani istiba'ad. Yani ici, le prophète alayhi salatu wa salam lui dit que après ce qu'il a fait, manger du haram, boire du haram, se vêtir du haram, malgré qu'il réunit les causes d'exaucement des invocations, très loin de lui, l'idée de se voir exaucé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait attention à la nourriture. Il ne faut pas avoir de laxisme. Certaines personnes se posent la question, est-ce que je mange ici ou là? Ils ont le doute parce qu'il y a de l'alcool. Ils ont le doute parce que ces gens-là sont pervers. Ils ont le doute. Alors qu'il y a une centaine d'autres repas, une centaine d'autres restaurants, une centaine d'autres fournisseurs. Subhanallah. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Laisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. Laisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que nous a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc une partie de ce comportement qui est obligatoire, et il y a une partie qui est recommandée, c'est l'excellence. On retient donc le fait de faire attention à ce qu'on consomme. Le fait de faire attention à ce qu'on consomme. Et par extension, les savants ont dit, les péchés sont une cause d'empêchement. Les péchés, de manière plus générale, en dehors de la nourriture, la boisson, les vêtements, na'am, sont une cause pour se voir rejeté chez Allah Azza wa Jal. Et les péchés, ça comprend deux choses. La première, faire ce qu'Allah nous a interdit. La seconde, délaisser ce qu'il nous a ordonné. Et l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, nous mentionne dans Shu'ab la parole de certains pieux prédécesseurs qui disaient « La tastabti al-ijaba wa qad saddatta turuqaha bil ma'asi » Ne trouve pas lente la réponse à tes invocations alors que tu as obstrué le chemin de la réponse par tes péchés, avec tes péchés. C'est-à-dire qu'en faisant des péchés, tu repousses de toi l'acceptation des invocations. C'est nous-mêmes qui sommes les causes, à cause de nos fautes et de nos péchés. Et ici, il y a un appel, une invitation au repentir, car nous sommes tous ce serviteur-là, ce pécheur. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْغَفُورُ الْغَفَّارُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ يَغْفِرَ لَنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ainsi, le repentir et la demande de pardon sont une cause d'augmentation de la subsistance, d'acceptation des invocations chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que la pluie est retenue si ce n'est à cause de nos péchés ? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Dans sourate Nuh, et j'ai dit ô mon Seigneur, et j'ai dit ô mon peuple, demandez pardon à Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Nuh a.s. leur a dit, demandez pardon à votre Seigneur, c'est certes le grand pardonneur. Il fera descendre sur vous des pluies successives. Et il vous donnera des biens, des enfants. Il vous donnera des jardins et des ruisseaux. La cause pour avoir des enfants, c'est le repentir et l'istighfar. La cause pour avoir la pluie, c'est le repentir et l'istighfar. La cause pour avoir de la force, pour avoir des richesses, c'est le repentir et l'istighfar. La cause pour être exaucé chez Allah Azza wa Jalla dans cette dua, c'est le repentir et l'istighfar. Oh, combien sont nombreux ceux qui disent « Je demande, je demande, je demande, mais on ne m'exauce pas. » C'est faux, on t'exauce, mais c'est toi qui t'éloignes. C'est toi qui t'éloignes, c'est toi qui te mets ton propre handicap. Ou qui nous mettons notre propre handicap. Puisse Allah Azza wa Jal nous pardonner. Revenons donc sur ces quatre grandes causes d'exaucement des invocations. Premièrement, italatu safar, le long voyage. Pourquoi ? Le prophète alayhi salat wa salam déjà nous dit, il y a trois invocations qui sont exaucées sans aucun doute. Thalathu da'awat mustajabat la shakka fihin. Da'watul mazloum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladi. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah et autres, Charles-Bani de Kilhadith Hassan, il y a trois invocations qui sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de l'opprimé, c'est-à-dire celui qui a subi une injustice. L'invocation du voyageur, c'est-à-dire tant qu'il est en voyage. Et écoutez bien, chers parents, l'invocation des parents pour l'enfant ou sur l'enfant. L'invocation du père sur l'enfant ou pour l'enfant. L'invocation des parents. Celui qui est dans un long voyage et dans la difficulté. Et il sera sujet à l'humiliation devant Allah Azza wa Jal, à la modestie. Il est étranger dans cette ville, dans ce village. Il supporte les difficultés. Et tout cela, lorsque le croyant se retrouve dans cette situation, ça le pousse à être proche d'Allah, à être humble, à être modeste. Et cela est propice à à la réponse d'Allah Azza wa Jal. La deuxième cause qu'on trouve dans ce hadith, c'est le fait d'être mutawadi, humble, d'être humilié, rabaissé face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, dans le recueil d'Ibn Majah, jugé bon par Al-Albani, Rubba ash'athin aghbar madfou'un bil abwab. Law aqsama 'ala Allah la barra. Il se peut qu'une personne ébouriffée, poussiéreuse, soit rejetée aux portes. Mais s'il jurait par Allah, Allah lui accorderait cette chose-là. Ici, on nous mentionne un serviteur humble, un serviteur faible, un serviteur modeste. Il n'est pas considéré par les créatures, mais le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit que s'il jure par Allah sur une chose, Allah lui donne cette chose-là. Il a une place chez Allah Azza wa Jal de par sa modestie, de par son humilité. Et pour Salat ou l'Istisqa, pour la demande de pluie, le prophète alayhi salat wa salam nous enseigne de sortir dans une situation modeste et humble. Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a été questionné sur la demande de pluie du prophète alayhi salat wa salam et sa prière, a répondu « Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutabadhilan, mutawadhi'an, mutadarri'a. » Il est sorti dans une situation très pleine d'humilité, de modestie et humilié face à Allah Azza wa Jal, apporté par Abu Daoud et autres. Jugé bon par l'Albani rahmatullahi alayhi. La troisième cause pour être exaucé mentionnée dans ce hadith est le fait de lever les mains vers le ciel. Parmi les bienséances lors de la dua et les causes pour te voir exaucé chez Allah Azza wa Jal, le fait de lever les mains. Et on a déjà mentionné le hadith de Salman al-Farisi dans le recueil de Abu Daoud et d'autres, rahmatullahi alayhim. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit « Allah hayyun karim yastahi min abdi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra kha'ibatayn. » Certes, Allah est pudique, généreux, bien noble. Il a honte de son serviteur lorsque ce dernier lève ses mains vers lui de les lui rendre vides, perdants. Allah Azza wa Jal, lorsque tu lèves tes mains vers lui, ne te les rend jamais vides. Soit il te donne directement, soit par cette invocation il repousse de toi un mal, soit il te donne en différé pour une sagesse, comme le fait que tu amasses encore plus de hasanat en demandant, te faisant espérer, en développant ton amour, en te repentant, en faisant beaucoup de causes pour être exaucé, soit il te garde cela pour mieux te donner le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allah répond toujours. Allah t'a promis dans le Coran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. C'est la promesse d'Allah. Et Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne manque jamais à sa promesse. Wa man asdaqu min Allah qila, wa man asdaqu min Allah haditha. Et qui est plus véridique en matière de parole qu'Allah. Allah ne déçoit jamais son serviteur. Allah répond toujours à celui qui l'invoque. Donc lève tes mains et demande à Allah Azza wa Jal. On a tendance à faire dua, mais on oublie cette cause. Il n'y a que deux moments pourtant où on ne doit jamais lever les mains, car le prophète alayhi salatu wa salam ne l'a jamais fait. À savoir, après la prière obligatoire et durant la khutbah du Jumu'ah. On dit Amin, mais sans lever les mains. En dehors de cela, régulièrement, levons les mains lorsque nous demandons à Allah Azza wa Jal. Pour finir, la quatrième cause, le fait de supplier Allah, de redemander, réitérer sa demande, sans jamais se lasser, par la mention de sa seigneurie, en disant « Ya Rab, Ya Rab, ô Seigneur, répète, demande, délecte-toi, humidifie ta langue, par la mention de la seigneurie d'Allah, le Seigneur immense, tout-puissant. » C'est une des plus grandes causes pour qu'Allah te donne. Et médite les invocations du Coran, les invocations du prophète. Tu verras très souvent, Rabbana, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur. Dans Surat Ali Imran, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Quelle est la réponse? فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. Lisez ainsi que la traduction des versets 191 ou plutôt 191 jusqu'à 195 de Sourate Ali Imran. Vous verrez qu'on nous dit « Rabbana, ô notre Seigneur » avant chaque invocation. Et à la fin, on nous dit « Et leur Seigneur les a exaucés, leur a répondu. » Et on peut citer beaucoup d'autres invocations, les invocations d'Ibrahim alayhi salam, « Rabbana inni askantu min dhurriyati » Naam. Combien de versets dans le Coran et combien d'invocations du prophète alayhi salatu wassalam. Même dans la salat, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Dans le Fatiha, Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Et ainsi de suite. La plupart des invocations commencent par la mention de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Malik a été questionné, comment est-ce qu'on invoque? Il a dit, dans tes invocations, Ya Rabb. Comme les prophètes disaient dans leurs invocations. Et on est dans le mois de la dua. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Ce verset est dans les versets du mois de Ramadan, dans le Coran. Dans les versets de Ramadan, dans Surat al-Baqarah. Alors qu'on craigne Allah Azza wa Jal, qu'on s'éloigne du haram, des péchés, de la consommation, de l'illicite. Et ça comprend le fait de ne pas travailler dans un domaine haram. Comment est-ce que tu travailles dans le haram? Tu transportes du haram, tu portes du haram dans ton camion, entre tes mains. Ensuite, tu viens prendre ton salaire et nourrir ton sang, ta chair, ton épouse, ta famille, tes propres parents. Et tu leur mets du feu dans le ventre. Craignez Allah Azza wa Jal, délaissez le haram et sachez que votre subsistance est chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mangez du licite pour qu'Allah vous exauce dans vos du'as. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين